L'édition 2013-2014 du Grain de Sable. Bonjour à tous, bienvenue à cette saison 2013-2014 de l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. On va débuter avec un entretien avec l'économiste Yannick Marcil en première partie d'émission. Puis, ce sera la chronique de Nicole Moreau en seconde partie d'émission. Je vais d'abord vous dire un mot pour vous remercier d'être à l'écoute et vous faire part de ce que va être la saison 2013-2014. Il va y avoir nos chroniqueurs habituels. Aujourd'hui, c'est Nicole Moreau. Il y aura Renaud Blais qui va nous revenir à compter de la semaine prochaine. Robert Jasmin ensuite et Cédric Leterme, notre correspondant en Belgique. Et les quatre vont vous revenir plein d'enthousiasme avec des contenus qui seront à la fois vous informer et vous sensibiliser sur les enjeux de l'heure dans la seconde demi-heure de chaque semaine. Il y a le président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt, qui va nous revenir pour sa part avec un éditorial, mais toutes les deux semaines cette saison-ci. Il y a du changement dans la première demi-heure. Nous aurons trois invités réguliers, soit un chercheur de l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui va être différent d'une fois à l'autre, mais à chaque mois, on va avoir un chercheur de l'IRIS. Le premier, d'ailleurs, c'est Philippe Hurteau qui va nous parler de la question, une question de l'art. Ça va toujours être une question de l'art. Ça va être en lien avec les finances publiques, les services publics. La question à laquelle on va tenter de répondre avec Philippe Hurteau, c'est est-ce qu'il vaut mieux taxer ou imposer? Ça risque d'être fort intéressant. Donc, à tous les premiers samedis du mois, le premier samedi d'octobre. Ensuite, il y a l'économiste Yannick Marcil à tous les deuxièmes samedis du mois. Et justement, aujourd'hui, Yannick va être avec nous et il va être question d'utopie concrète. J'en dis pas plus pour le moment. Ensuite, tous les troisièmes samedis du mois, il y a le sociologue Pierre Moutarde qui va nous revenir avec une chronique, avec laquelle on va s'entretenir de sujets en lien avec l'Amérique latine. Ça risque d'être fort intéressant. Donc, comme vous voyez, il y a Robert Jasmin qui fait déjà sa chronique sur les États-Unis. Il y a Cédric Leterme qui nous parle depuis l'Europe. Il y a Pierre Moutarde qui nous parle depuis l'Amérique latine. Donc, on va avoir un point de vue à la fois québécois, nord-américain et même au-delà. Alors, on vous réserve une surprise pour le quatrième samedi du mois. Ça sera chaque fois quelque chose de différent. Et on le sait, il y a des mois qu'il y a cinq semaines aussi. Ça va être encore là. Deux surprises dans ce mois-là. Donc, une saison qui s'annonce fort intéressante, chers auditeurs. Et justement, on va la débuter avec Yannick Marcil. Mais tout de suite après la chanson du groupe Syncope. Syncope qui est un groupe, formé de Québécois et de néo-Québécois. Le chanteur est d'origine algérienne. Un petit peu dans l'actualité, n'est-ce pas? La chanson s'appelle « À contre-courant ». On écoute donc cette chanson du groupe Syncope « À contre-courant ». De sable aux lignes pures, sculptées par le doux zéphyr, versées par les plaintes dures d'une oasis sans péril. Où vont donc ces martyrs vers l'ailleurs réputé sûr? L'illusion est trop facile, mais la chute, elle, sera dure. Lit de rivière et logis de torrent, faut-il que j'aille ailleurs? Pourtant j'y suis, ça fait longtemps. L'œil du cyclone est sombre, mais dans le fond, le monde est à l'envers et en rame à contre-courant. Combien d'années a-t-il fallu pour qu'il soit fier et touffu? 10, 20 ans, 100 ans et plus, bientôt les bûches, y en aura plus. Mais sans égard pour notre vie, juste pour le plus bas prix, d'un coup de scie on l'a servi, en petite bûche, aux compagnies. Lit de rivière et logis de torrent, Faut-il que j'aille ailleurs? Pourtant j'y suis, ça fait longtemps. L'œil du cyclone est sombre, mais dans le fond, le monde est à l'envers et en rabat contre courant. Les médias partout étendent la peur de l'inconnu. On se cache, on se protège, on n'ose plus sortir dans la rue. Pendant que les assureurs sur notre argent se ruent, ils nous vendent de la peur et c'est leur chair des malotrus. Lit de rivière et logis de torrent, faut-il que j'aille ailleurs? Pourtant j'y suis, ça fait longtemps. L'œil du cyclone est sombre, mais dans le fond, le monde est à l'envers et on rame à contre-courant. Les projets sans arrimage, à contre-courant. Pour nous c'est bien dommage, à contre-courant. Et moi souvent j'enrage, à contre-courant. Il faut tourner la page, à contre-courant. À contre-courant, et à contre-courant. À contre-courant, et à contre-courant. À petit pas j'avance, à contre-courant. Pas dans la cadence, à contre-courant. La vie n'est pas une danse, à contre-courant. Il faut que ça balance, à contre-courant. C'était le groupe Syncope à contre-courant. On va donc, comme je vous l'ai indiqué tantôt, juste avant cette pièce dont je ne dirai pas... Je n'en dirai pas plus pour le moment. On va peut-être revenir sur ce sujet-là éventuellement, hein, le sujet des, de la charte des valeurs, mais pas cette semaine. Donc, comme je vous disais auparavant, à tous les deuxièmes samedis du mois, c'est l'économiste Yannick Marcil qui va être avec nous et qui va nous entretenir d'utopie concrète. Ça risque d'être fort intéressant. J'en dis pas plus pour le moment. En début d'entretien, on va expliquer ce que c'est que cette notion d'utopie concrète. Mais je vais quand même vous présenter Yannick Marcil. Yannick est un économiste spécialisé en économie de l'innovation et de la culture, mais aussi des transformations industrielles et technologiques. Il s'intéresse tout particulièrement à leurs impacts sur le risque opérationnel, les stratégies de positionnement et le développement à court, moyen et long terme des organisations. Alors, il a une expertise, il a des travaux qui mettent l'accent aussi sur l'impact de ces transformations sur le travail quotidien à la fois des dirigeants, des gestionnaires. Donc, c'est un économiste indépendant qui offre des services conseils. Il a un blog sur Voir. Il est blogueur invité, comme on dit, sur Voir. Il est responsable de recension d'essais sociopolitique au Huffington Post. Fort intéressante d'ailleurs ces recensions. On mettra un lien vers son blog, vers justement ces recensions qu'il fait, Yannick, régulièrement. Il est aussi chroniqueur en économie des arts, parce qu'il s'intéresse beaucoup aux arts, webzine Radville. Il est auteur de nombreux articles et chapitres de livres, et on l'entend régulièrement commenter l'actualité économique et politique dans de nombreux médias canadiens et étrangers. Alors, Yannick, je me suis entretenu avec lui hier parce qu'aujourd'hui, il était en route. Il n'était pas possible de le joindre au téléphone. On a quand même fait l'entretien hier midi. Et donc, je fais allusion, vous allez voir, en début d'entretien, à un statut qui avait été publié sur Facebook, mais ne vous lancez pas sur votre page Facebook. C'est un statut qui a été publié vers 11h30 à peu près, vendredi midi. Donc, on va écouter la première partie de l'entretien que nous avons eu sur les utopies concrètes. Il va y avoir une petite pièce musicale et par la suite, on va écouter la deuxième partie de l'entretien. Tantôt. Yannick Marcil, bonjour. Bonjour. Ça va bien, passez un bon été? Très belle. Très bel été, oui. Un petit peu moins occupé que l'été précédent. Moins actif. Moins actif, voilà. Yannick, on va entreprendre, vous et moi, une série d'entretiens. On est très content d'ailleurs que vous ayez accepté notre invitation à l'émission Les Grains de Sable d'Attaque Québec. On va entreprendre une série d'entretiens à chaque mois, une série d'entretiens qui va porter sur des utopies concrètes. Ce serait peut-être intéressant dans un premier temps d'échanger un peu sur cette notion d'utopie concrète. J'ai bien ri tantôt d'ailleurs quand j'ai vu passer une anecdote que vous avez racontée dans Facebook. Oui, tout à fait. Donc, c'était en fait, ça m'a été raconté par Daniel Lheureux, un journaliste à la retraite de Radio-Canada, qui avait rencontré le grand écrivain portugais José Saramago à un dîner et lui avait demandé s'il croyait à la notion d'utopie concrète. Ce à quoi, du tac au tac, on lui a répondu que l'utopie était la version laïque du paradis. Donc, quelque chose d'inaccessible, en quelque sorte. Oui, oui, oui. On n'entrera pas trop dans la notion de laïcité, si vous voulez bien. Non, effectivement, c'est... On va y aller dans la notion d'utopie, alors. Pourquoi utopie concrète? Ben, c'est un peu paradoxal, évidemment. J'ai choisi cette thématique-là. C'est un petit clin d'œil. Une utopie, par définition, n'est pas concrète. C'est un idéal. Cela étant dit, ce que j'aimerais qu'on explore ensemble cette année, c'est des initiatives, des solutions que des gens un peu partout sur la planète, que ce soit proche de nous ou non, ont mis de l'avant. Donc, des espèces de rêves parfois un peu fous, en marge des systèmes économiques ou politiques ou sociaux, pour trouver donc des solutions à des problèmes qui sont les nôtres. Donc, des problèmes qui nous touchent personnellement, qui touchent l'ensemble de la planète, de nos communautés, etc. Donc, ce sont des utopies qui se réalisent en quelque sorte dans le monde concret et qui réussissent à petite ou grande échelle, à changer les choses. Et ça va beaucoup intéresser nos auditeurs parce que très souvent, on leur présente une position, ma foi, assez théorique sur ce que pourraient être des modèles alternatifs. Oui. Mais on ne va pas souvent dans le concret, dans des exemples concrets de ce qui pourrait changer les choses. C'est un peu ça l'objectif, effectivement, de voir comment concrètement, que ce soit encore une fois individuellement ou collectivement, on peut changer nos manières de faire et trouver des solutions alternatives. Alors, chaque fois, on va procéder en trois temps. C'est comme ça, nos auditeurs, d'une fois à l'autre, finalement, ils vont retrouver toujours le même schéma. On va d'abord présenter le problème au niveau, même à un niveau micro, là, les individus comme tels. On va expliquer les causes du problème, puis on va voir les solutions, finalement, qui seraient accessibles par rapport à ce problème-là. Exactement. Alors, si on y allait avec un premier problème. Alors oui, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un problème, je pense, qui nous touche tous, qui nous préoccupe pour plusieurs, celui qu'on appelle de l'obsolescence programmée. Donc l'obsolescence programmée, qui est cette notion selon laquelle la fabrication de produits par le système économique tel qu'on le connaît aujourd'hui fait en sorte que les objets qu'on consomme ont une durée de vie de plus en plus courte dans le temps. Donc, il y aurait une intention, réelle ou non, pour que les produits aient une durée de vie de plus en plus courte. Pourquoi? Bien évidemment, pour nous inciter, voire nous obliger à consommer davantage, pour remplacer ces produits-là. Oui, vous me rappelez certains cours de communication que j'ai suivis, Yannick. Oui, parce que, et vous faites bien de le mentionner, parce que c'est pas nécessairement une obsolescence, une désuétude technique. Ça peut être une désuétude marketing. Donc, on pourrait déjà distinguer deux familles d'obsolescence. Il y a effectivement une obsolescence technique. Les objets durent de moins en moins longtemps. Pensons, par exemple, c'est toujours l'exemple qui nous revient en tête, le vieux frigo qui date des années 50. Vous savez, ce vieux frigo un peu rond qu'on garde dans le sous-sol, voire même sur la galerie du chalet pour entreposer la bière et qui continue à fonctionner 50 ans plus tard. Alors que celui qu'on achète, même de grande qualité, c'est-à-dire à fort prix, qui est produit aujourd'hui, ne durera que 5, 8 ou même 10 ans si on est chanceux. Alors ça, c'est l'obsolescence technique. Donc, les objets durent de moins en moins longtemps. Il y en a une aussi marketing, c'est-à-dire que pour être toujours à la page, être à la mode, on va changer régulièrement le même produit. On peut penser, par exemple, aux téléphones cellulaires, aux téléphones intelligents. Hein, on veut absolument avoir la dernière version du iPod, du iPhone ou du iPad. Apple, c'est pas pour rien que je le mentionne, est passé maître dans cette espèce de frénésie à vouloir avoir toujours le dernier modèle et à sortir presque année après année un nouveau modèle. Bien sûr qu'il y a des caractéristiques techniques améliorées, mais qui est surtout une incitation à avoir le dernier cri. Oui. Et parlant de programmation, on a aussi tous ces logiciels qui sont pratiquement toujours en version bêta. Est-ce qu'on inclut ça dans l'obsolescence? Absolument, c'est un peu le même principe. Donc, il y a à côté de ces deux familles-là, c'est-à-dire une espèce d'obsolescence technique et l'autre qui est plus un besoin créé donc par le marketing, il y a une logique intrinsèque au système. Hein? C'est-à-dire que pour les compagnies doivent faire croître année après année leurs ventes. Mm-hmm. C'est la pression qui est sur leurs épaules. C'est comme ça que notre système fonctionne. Donc, on peut pas vendre des produits qui dureront trop longtemps parce qu'on n'accroîtra jamais nos ventes. Donc, il y a effectivement une décision. Il peut y avoir d'une part une décision consciente et historiquement c'est documenté de la part de l'entreprise de faire de moins bons produits. Un des exemples les plus célèbres, c'est la compagnie DuPont de Nemours aux États-Unis, ce grand conglomérat pétrochimique essentiellement au début de ses activités, qui a inventé le bon nylon. Or, les premiers bons nylons qu'ils ont inventés duraient beaucoup trop longtemps. Les femmes pouvaient les porter un an, deux ans, ils ne se détérioraient jamais. Alors, les gens de marketing ayant vu ça, ils se sont dit, non, ça n'a pas de sens, on n'en vendra jamais assez. Donc, ils ont changé la composition chimique du bas de nylon pour le rendre moins durable et pour augmenter les ventes. C'est documenté, c'était une décision sciemment prise. À côté de ça, il y a... On a un mystère résolu, Yannick. Et ça, c'est vraiment programmé au sens propre. Mais c'est pas nécessairement voulu. C'est-à-dire que c'est juste la logique capitaliste elle-même. Encore une fois, parce que on a besoin de faire augmenter les ventes année après année, qui fait en sorte que on va trouver des moyens d'avoir des produits qui durent soit pas assez longtemps techniquement, soit simplement on va créer le besoin d'en avoir des nouvelles versions. Là, on est au niveau de l'explication des causes du problème. Oui, exactement. Alors, la cause, elle est donc double. Elle est à la fois dans la logique même de la croissance capitaliste, mais aussi dans la production capitaliste, je m'excuse, mais aussi dans l'aspect consommation. C'est-à-dire, nous-mêmes, comme consommateurs, on s'engage dans ce processus-là. Parfois, on n'a pas le choix. Si on revient avec l'exemple du frigo, comme consommateur, si j'ai à m'acheter un frigo aujourd'hui, j'ai juste pas le choix d'en acheter un qui ne durera pas longtemps. On m'offre pas la possibilité d'avoir un frigo qui va durer 50 ans. Donc, je n'ai pas le choix. Dans d'autres cas, j'ai le choix. Mon iPhone, par exemple, ou n'importe quel autre téléphone, évidemment, je pourrais le garder plus longtemps tant qu'il fonctionne bien et ne pas céder à l'emprise du marketing ou de la consommation ostentatoire, comme disait Veblen au début du siècle. Mais il semble que il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui résistent à... Hélas, parce que on est vraiment pris dans cette logique-là tous, même quand on veut s'y soustraire, c'est très difficile. Cependant, il existe effectivement des solutions. Mais d'abord, il y a une première solution, c'est de réfléchir à nos choix de consommation, hein, évidemment. Oui. Mais il y a des solutions qui sont mises en place. Donc, il y a des, pour reprendre le titre de notre série, il y a des utopies concrètes qui sont proposées. Avant de passer justement aux utopies concrètes, on va en profiter pour faire une brève pause musicale. Okay. Je vais mettre une pièce qui s'intitule Obsolescence programmée, justement. Et c'est un groupe qui s'appelle Nawak. Donc, on va écouter cette pièce et on va revenir à la suite de notre entretien. Parfait. Le groupe s'appelle en passant, l'album s'appelle, pardon, en passant, Extraterrestre. En rentrant, tout c'est bien tant que ton avenir est devant, tout s'obtient tant que t'es jeune et bien portant, tout s'arrête quand tes cheveux se pointent en blanc. Rien de tous mes rêves d'enfant, rien ou presque ne s'attire sans argent. temps, nous sommes conditionnés. Il faut savoir être distant. L'atout de leurs objets, l'attrait de leurs slogans. Loin de moraliser, le changement, c'est pour quand? Convaincre les chômeurs qu'ils sont responsables de leur état de chômeur, que c'est de leur faute s'ils ne trouvent pas d'emploi, on débarrasse du coup les politiques et les entreprises d'une responsabilité écrasante. Ça fait bientôt 20 ans que je vois ça gêne, ils nous mettent la pression, la délocalisation. S'il y a manifestation, ils envoient le GIGN pour nous coller une balle. Comme ça, nous finirons comme tous ces gens qui se retrouvent sur le banc. Vieillissant, tu travailles, tu déchines, tout en les engraissant. On te voit la porte, et puis là tu te pends. Pointe du doigt les changements dans les méthodes de management réalisées à partir des années 80. Mutation, restructuration, délocalisation. Tu ferais du boulot, on a peut-être pas assez entendu son message, mais. Moi qui pensais être un bon patriote, voilà qu'aujourd'hui on me rejette la faute. Les écrits liés à la consommation ne sont-ils pas adorés déjà quand je les ai contractés? J'ai tout dépensé. Je suis payé la caisse dont j'ai toujours rêvé, sans penser aux conséquences. J'ai saisi ma chance, c'était ma contribution à l'évolution de la croissance. Les désenchantements, car l'huissier en passant me dit qu'en pour le pays, c'est le surendettement. Maître Gonzalez, huissier de justice. Que je vous signale qu'un huissier est un agent assermenté par l'État. Ouais, ah, c'est pas compatible avec un enculé, c'est plutôt un peu de l'être. Mais assermenté, j'ai assermenté, et j'en ai poussé des combinables que vous jusqu'au suicide. Je ne travaillais pas car la chaîne, on me les avait mis au poignet. J'aurais dû voir venir, mais les minots devaient bouffer. J'aurais dû me ressaisir, mais les factures s'accumulaient. J'en ai perdu la tête et les mis sur un balancier. Je n'étais qu'un objet à l'obsolescence programmée. Voilà, on a écouté la chanson « Obsolescence programmée » du groupe Nawak. C'est tiré de l'album « Extraterrestre ». Alors Yannick, on était oui. Donc, on était rendu donc au troisième aspect de notre entretien, qui est vers la proposition de solutions accessibles au niveau individuel et communautaire. Et c'est là qu'entrent en ligne de compte les utopies. Exactement. Donc, à ce problème, parce que c'est un problème, on ne l'a pas mentionné explicitement, mais on comprendra que cette consommation effrénée et cette accélération de l'obsolescence programmée a des conséquences notamment écologiques importantes. Hein. Oui. Les déchets, par exemple, générés par le matériel électronique, on sait que c'est devenu un problème écologique majeur. Donc, pour contrer ce problème-là, il y a donc deux grandes familles de solutions. C'est ce qu'on va analyser ensemble de toute façon à chaque mois. Mm-hmm. D'une part, il y a évidemment des solutions collectives, c'est-à-dire de collectivement faire pression pour que ça change cette obsolescence programmée, qu'elle soit diminuée. Ce changement collectif, il peut se faire en faisant pression sur les entreprises. Donc, autrement dit, que collectivement, par des regroupements, par du boycott, par plusieurs types d'actions qu'on connaît bien de ce genre-là, demander aux entreprises de produire des biens qui durent plus longtemps. Est-ce qu'à votre connaissance, ça se fait? Ça se fait parce que ça devient tranquillement, et c'est pas généralisé, on s'entend, mais ça devient tranquillement une façon pour une entreprise de se distinguer des autres en faisant la promotion de la durabilité de leurs produits. Mm-hmm. Je veux pas faire de publicité pour rien, pour une compagnie en particulier, mais on me mentionnait par exemple que la compagnie d'aspirateurs, Dyson, ouais. S'est orientée spécifiquement dans cette logique-là. Donc, fait son marketing sur la base que ses produits vont durer beaucoup plus longtemps que ceux de ses concurrents. Évidemment, on vend les produits à ce moment-là beaucoup plus cher que les produits concurrents, mais spécifiquement, on fait le marketing en fonction de ça, et on fait les produits, on fabrique les produits, bien sûr, en fonction de cette durabilité-là. Il y a les changements de mentalité qui peuvent... Donc, effectivement, c'est possible. C'est un peu comme tout ce qui est le commerce équitable, ce qui est les produits biodégradables, etc. Ce sont des pressions citoyennes qui ont fait en sorte qu'à terme, c'est devenu intéressant au point de vue marketing. Donc, sans révolutionner le système économique capitaliste tel qu'on le connaît, c'est devenu intéressant au point de vue positionnement de marché pour l'entreprise de changer ses pratiques. D'autre part, il y a des solutions un peu plus à plus petite échelle. Et là, je prends un exemple parmi d'autres, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment. Oui. Celui de ce qu'on appelle les Fab Labs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les Fab Labs. Peut-être expliquer, c'est ça, à nos auditeurs, alors, de quoi il s'agit. Oui. En deux mots, c'est un lieu physique, donc un Fab pour fabrication, Lab pour laboratoire. C'est un lieu physique, un laboratoire, où on crée, où on transforme des objets existants. C'est un lieu qui regroupe plusieurs outils, parfois des outils très traditionnels, mais aussi des outils technologiques, comme des imprimantes 3D, par exemple. Ces Fab Labs-là, il y en a une multitude dans le monde. Il s'en est créé encore plusieurs de façon continue. Et ces Fab Labs ont une logique communautaire de partage. C'est basé sur ce qu'on appelle l'open source, donc le partage des connaissances, le partage des expertises aussi, et où les gens, les citoyens, sont invités tout à fait gratuitement. Là, c'est collectif, hein, c'est comme un club en quelque sorte. Sont invités à, comme je le disais tout à l'heure, soit inventer de nouveaux objets pour un besoin précis avec l'expertise d'autres membres de la communauté, ou à réparer les objets existants. Donc, des choses aussi banales que vous avez, et là, je vous parle d'un exemple presque personnel, j'ai un très vieil évier, donc, et il y a une espèce de joint de caoutchouc qui ne se retrouve plus, qui va dans cet évier-là et qui, évidemment, a tendance à s'user comme n'importe quel produit de ce type-là. Alors, je peux plus racheter ce joint de caoutchouc-là. Il faudrait que je change l'évier au complet, c'est complètement ridicule. Il fonctionne bien au demeurant. Donc, je peux arriver dans un Fab Lab avec mon fameux joint de caoutchouc que je peux remplacer et trouver une solution, par exemple en le scannant en 3D et en reproduisant un autre joint à partir de ce scan-là avec une imprimante 3D, pour le remplacer avec l'aide de techniciens, d'ingénieurs qui donnent du temps bénévolement pour aider la communauté à réparer ses biens. Alors, vous voyez, c'est un exemple tout simple, tout concret. D'une certaine façon, c'est un retour à l'artisanat. Absolument, absolument. C'est un retour, effectivement, je pense que... Les petits métiers qu'il y avait autrefois. Les petits métiers, mais surtout des connaissances, des expertises qui se perdent dans ce grand système industriel-là, qui est très standardisé. Donc, des expertises très pointues, très minutieuses, à la pièce, qui nous permettent, dans un cas là, bien concrètement comme celui-là, d'augmenter la durée de vie de nos objets. Alors ça, tout ça est fort intéressant, ce qui veut dire qu'il est possible finalement de sortir de ce cercle vicieux qui est l'obsolescence programmée, qu'elle soit programmée ou non, et d'emprunter finalement on parle d'utopie concrète, mais c'est une utopie qui débouche de plus en plus vers des solutions qui vont s'étendre. Exactement, et je me permets en terminant de dire que évidemment on ne changera pas radicalement du jour au lendemain toute cette obsolescence programmée. L'obsolescence des objets va toujours exister par définition, mais si on peut en atténuer les effets justement en changeant nos manières de consommer, donc en ne se sacrifiant pas sur l'autel du marketing de la nouveauté en quelque sorte, et d'autre part en cherchant des solutions bien appliquées et concrètes pour augmenter la durée de vie de nos objets, ben on aura fait un bon pas, je pense, dans cette direction. Et voilà, et on aura contribué aussi à retarder, peut-être même éventuellement, à régler le problème de la détérioration de l'environnement. Ben, c'est ce qui est souhaitable, à tout le moins. Bien, merci beaucoup, Yannick Marcil. On va donc se reparler dans un mois. Exact. Ben, merci à vous, et ce sera avec plaisir. Au revoir, à la prochaine. Bonne journée. Bonne journée. 89.1. CKRL, le musée de la civilisation a 25 ans. 25 ans à se rapprocher du monde. Pour célébrer, le musée a concocté une programmation culturelle riche sur une variété de thèmes comme le territoire et l'histoire du Québec. Prochainement, le concert « Sur la trace des filles du roi » le 22 septembre avec l'ensemble Terra Nova et le 29 septembre, la conférence de Denis Vaugeois, historien et ministre des Affaires culturelles au moment de la création du musée. Découvrez la saison du 25e anniversaire du Musée de la Civilisation au mcq.org et prenez part aux célébrations. Le comptoir du livre, la meilleure sélection de livres neufs et usagés en ville. Un choix d'articles unique au cœur de la plus ancienne bouquinerie de Québec. Faites circuler la culture. Soyez futé et écolo en vendant vos articles usagés. Obtenez le meilleur prix pour vos livres BD, DVD, vinyle et CD. Le comptoir du livre, la bouquinerie où l'on trouve de tout pour tous, au 726 rue Saint-Jean, 418-524-5910. Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527-80-97 ou au cpcq.ca. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 16 septembre, 20h au Cercle, rouge contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Vous écoutez CKRL 89.1 à Québec. Vous êtes de retour à l'émission Le grain de sable d'Attaque Québec. C'est Michel Monnette au micro et je suis accompagné de notre chroniqueur Nicole Moreau. Bonjour Nicole. Bonjour Michel. Passez un bel été. Très bel été et toi aussi j'espère. Ouais, donc d'Attaque pour les chroniques de l'automne-hiver 2013-2014. Toujours en économie sociale. Et on commence une première chronique avec Madame Bernier. Céline Bernier, Céline effectivement. Bernier. Alors, je vous laisse donc avec... elle est en ligne présentement et je vous laisse avec Mme Bernier. Alors, bienvenue, Mme Bernier. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la coordonnatrice de l'entente sur le développement de l'économie sociale dans la région Chaudière-Appalaches. Pour mieux vous présenter à nos auditeurs, je pense que ça serait intéressant de commencer par vous demander de cerner rapidement votre rôle. Oui, ben moi je coordonne l'entente spécifique qui est en vigueur là dans la région depuis 2008 et c'est la TAM régionale d'économie sociale qui en est le mandataire et qui assume finalement le leadership là-dedans. Donc on est reconnu comme le pôle régional d'économie sociale, il y en a 22 au Québec et nous depuis 2006 qu'on est reconnu là comme pôle en tant que tel. Une entente en économie sociale, c'est venu peu de temps après. C'est une entente qui a été signée en 2008 et qui a réuni 26 partenaires de la région. Et c'est un projet qui veut favoriser concrétisation et la consolidation d'initiatives d'économie sociale. OK. Donc, vous venez nous dire explicitement c'est quoi les objectifs de cette entente. Donc, concrétisation de projets particuliers en économie sociale. Oui, on veut vraiment que les projets, les entreprises d'économie sociale puissent mettre en place les conditions gagnantes pour qu'elles soient mises sur pied ou consolidées là par les groupes promoteurs. Donc, avec l'entente, ben c'est sûr que nous, un de nos rôles importants, c'est de faire la promotion de l'économie sociale. Prochainement, il va y avoir les semaines de l'économie sociale qui vont débuter dans nos deux régions, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Ça, c'est un événement important pour faire connaître l'économie sociale à la population, aux jeunes, aux élus, aux décideurs. Ensuite, un autre mandat important, c'est de faire connaître puis de favoriser l'utilisation de toutes les ressources en soutien technique et financier qui peuvent être disponibles pour aider les entreprises à se mettre sur pied et à se développer. Et puis ensuite, c'est sûr que un volet important aussi, c'est celui du développement des compétences pour les promoteurs, mm-hmm. les administrateurs, les gestionnaires, les salariés là qui sont en entreprise. Donc, les principaux partenaires sont qui sur votre table? Ben, au conseil d'administration de la TAM, c'est certain que les entreprises ont des une importance primordiale. Il y a aussi les centres locaux de développement qui sont représentés, Corporation de développement communautaire, Forum jeunesse, Table des aînés, etc. On a aussi des organismes gouvernementaux comme Emploi Québec ou le ministère des Affaires municipales, Régions, Occupation du territoire qui sont là en appui, là. Donc, eux autres assistent, mais participent pas à la prise de décision formelle comme telle. Oui, ils ont un rôle davantage conseil. OK. Donc, vous avez une mission relativement diversifiée, mais aujourd'hui, on pense plus au développement des compétences. Parce qu'on vous a invité pour ça. Alors, mais si on se rappelle que Chaudière-Appalaches est une région qui compte de nombreuses entreprises d'économie sociale, 500 peut-être à peu près, ce qui oui, est indiqué. Oui, on les a estimés à ça là, dans notre portrait en 2009. C'est ça, peut-être un peu plus maintenant. Mm-hmm. Ça soulève effectivement des questions de compétences et d'habileté pour démarrer un tel type d'entreprise, mais aussi pour assurer la poursuite d'activité. Oui. Alors, pouvez-vous nous rappeler un peu, je sais que les auditeurs ont déjà entendu ça, mais peut-être que c'est bon de se rappeler, c'est quoi les caractéristiques des entreprises d'économie sociale qui les distinguent de celles des entreprises de l'économie privée? Bien, une entreprise d'économie sociale, là, de façon générale, sans entrer dans les particularités des secteurs d'activité, mais c'est une entreprise qui a à la fois un volet marchand, qu'on va dire. Alors, ils vendent des biens ou des services, mais c'est tout ça est ancré dans un volet social, c'est-à-dire qu'il y a des retombées là, positives pour le milieu dans lequel ils travaillent. Et c'est aussi des entreprises qui ont une gouvernance démocratique et qui oui. répondent à des besoins du milieu. Absolument. Alors, okay. on parle de membership, élection, conseil d'administration, une personne, un vote, ce qui fait que il y a une autonomie de gestion par rapport à l'État qui est aussi très importante, même si l'État, des fois, va être là pour appuyer ou être en contrat avec les entreprises. Il n'y a pas de... l'autonomie est conservée là par l'organisme. Il y a le fait aussi que quand tu fais des bénéfices, ben ça va être investi dans l'amélioration des produits et des services offerts dans la collectivité. Aussi bien pour les entreprises coopératives que oui. pour les mutuelles ou les organismes à but non lucratif. Oui, absolument. OK. Alors, c'est bien. Nicole, si tu permets, bonjour Madame Bernier. Nicole, bonjour. Si tu permets, on va faire une brève pause musicale et puis on va poursuivre l'entretien. Avec plaisir. D'accord. Alors on écoute le Chat de l'aiguille. C'est d'un groupe qui s'appelle Carpathes. Alors, Nicole, nos auditeurs auront compris que ce n'est pas le Chat d'aiguille, une petite erreur d'aiguillage, justement. Je vous laisse poursuivre avec votre invitée, Mme Bernier. Bon, d'accord. Mais la musique était intéressante. Oui, c'était intéressant, mais c'était pas du tout le Chat d'aiguille. C'était Bollywood Blades, d'un groupe qui s'appelle Professor Kid. Kik. Ah, des Indiens d'origine, j'imagine. Non, je crois que c'est plutôt un... Oui, Indien, effectivement. Bollywood. Oui, Indien au sens d'Inde, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, Madame Bernier, vous disposez dans Chaudière-Appalaches depuis février d'un programme adapté, un programme de formation adapté pour le lancement d'une entreprise d'économie sociale. Et ce programme vise à offrir des conditions gagnantes à des promoteurs d'économie sociale. Comment est venue cette idée d'apporter des adaptations à un programme qui existait déjà? Bien, tout ça est issu de... de la concertation, justement, des différents acteurs qui sont autour de la table, là, autant au comité de gestion de l'entente que du conseil d'administration. Alors, on prend acte, des fois, de certaines améliorations pour aider les entreprises qui seraient souhaitables. Et à cet égard-là, bien, les CLD puis les commissions scolaires se sont alliés dans le but justement d'offrir un soutien un peu plus soutenu, plus encadré pour accompagner les promoteurs de projets. Donc, souvent dans la région, la plupart des 10 CLD, en fait, un seul a la possibilité de consacrer un agent à temps plein pour l'économie sociale. Dans les autres CLD, c'est plus des personnes qui le font quand il arrive des projets, mais ils ont toutes sortes d'autres responsabilités. Alors, quand arrive un promoteur, on s'est aperçu qu'avec le programme lancement d'une entreprise, il y avait toutes les étapes importantes, toutes les étapes d'un plan d'affaires étaient inscrites au programme et il y avait quand même quelques items là qui manquaient pour concorder avec les besoins des entreprises d'économie sociale, mais quand même, il y avait beaucoup d'éléments là qui étaient intéressants dans le programme. Alors, c'est essentiellement les CLD et les commissions scolaires qui ont voulu arrimer davantage leurs services. OK. Donc, adapter le programme existant en fonction des caractéristiques propres des entreprises d'économie sociale dont on a parlé un peu avant la pause. Oui, dans le fond, c'est qu'on l'a bonifié. OK. On l'a bonifié parce que on s'est aperçu qu'il y avait que dans le programme initial qui était destiné aux promoteurs pour le privé, mais on parlait pas de est-ce qu'on va devenir une coopérative, une mutuelle ou un OBNL. Mm-hmm. Ces questions-là, ça se posait pas. Tu sais, c'est pas des formes juridiques qu'on explorait dans le programme initial. Aussi, on n'abordait pas aussi toute la question de la gouvernance démocratique, comme on en a parlé un peu plus tôt. Puis il y a toute la question aussi du partenariat avec le milieu qui a une importance vraiment importante pour les entreprises d'économie sociale. Donc, ce sont des contenus qui se sont ajoutés au programme initial, dans le fond, mais tout le reste a été conservé. Là. C'est que, finalement, quand un promoteur en économie sociale maintenant arrive, ben pour lui, il y a aussi ces contenus-là. Là. Donc, parce que je rappelle à nos auditeurs qu'il y a des entreprises d'économie sociale dans près d'une vingtaine de secteurs d'activité. Oui. Et c'est sans doute pour à cause de la diversité de ces secteurs-là qu'il y a eu besoin d'adaptation et des particularités, des spécificités des entreprises d'économie sociale, qu'il y a eu des besoins d'adaptation aux caractéristiques des entreprises d'économie sociale. J'ai bien compris? C'est en plein ça. OK. Alors, pour les promoteurs, donc, les avantages, vous les résumeriez comment de ce programme-là? Ben, comme je vous disais, dans la démarche standard, dans le fond, le promoteur, faut s'entendre, c'est toujours un groupe promoteur qui est à la base d'une entreprise d'économie sociale. Donc, le groupe promoteur va souvent, sa porte d'entrée va souvent être le CLD et ils ont à faire une démarche de plan d'affaires. Puis comme je vous disais, ben ils peuvent apporter un certain soutien technique, un certain accompagnement, mais ça va pas c'est pas aussi encadré que le programme qui est offert dans les centres de formation professionnelle, là, dans les commissions scolaires. Alors, quand le promoteur s'inscrit au programme, sur le coup, ça peut paraître gros parce qu'on parle de 330 heures là à consacrer, mais dans le fond, si tu essayes de faire ça un peu tout seul de ton bord, je pense pas que tu puisses y arriver dans des délais beaucoup plus courts là. Mais ce qui arrive, c'est que dans le programme, il y a un accès à toutes sortes de ressources, comptables, avocats, notaires. C'est toutes des ressources professionnelles qui donc font une batterie d'experts conseils qui vient aider à différentes étapes du projet. Puis quand on pense que pour l'entreprise, c'est à peu près 120 $ pour s'inscrire à la formation, mais tout ça, toutes ces expertises-là, c'est inclus dans le prix. OK. Pour 330. Les CLB de la région ont décidé de payer les frais d'inscription pour les entreprises de leur territoire qui voudraient s'inscrire au programme. Alors là, il n'y a comme plus de barrière, là. D'accord. Mais quand vous dites que ce sont les commissions scolaires qui offrent le programme, mais est-ce que, parce que dans certains cas, il doit avoir besoin de formation plus poussée, est-ce que des accords sont possibles avec des collèges ou une antenne universitaire s'il y a besoin d'avoir accès à une information encore plus spécifique? La façon que fonctionne le programme, c'est que c'est déjà des professionnels qui vont donner les différents modules. Mmh. Alors déjà là, ce sont des experts des différents volets, et en plus de ça, il y a un coach qui accompagne pendant toute la démarche là. D'accord. Le groupe promoteur. J'imagine là, je sais pas, on en est à nos débuts là, mais je pense bien, je présume que si les besoins en ce sens-là se présentaient, ben il serait possible là, d'établir des ponts là pour aller plus loin sur certains volets là. Ok, dans un genre de formation à continuité, comme c'est possible de faire un diplôme d'études collégiales et de poursuivre à l'universitaire en tenant compte des acquis déjà faits. Mmh. Oui. Dans ce sens-là. Oui, je pense que ça pourrait être ça, mais là, ça, c'est des choses un petit peu plus qui appartiennent au réseau de l'éducation que là, moi, je maîtrise un peu moins bien, là, les cursus puis tout ça, là, je veux pas dire des choses qui sont pas vraies, là, mais pour ce qui est du programme, là, pas mal tout est là pour que les gens fassent un bon travail. Puis il faut dire que c'est autant pour un groupe qui va arriver avec un nouveau projet d'entreprise que pour une entreprise aussi où il va y avoir une nouvelle direction. Alors, ça se peut que le nouveau directeur, lui, ou la nouvelle directrice puisse tout se réapproprier les différents volets de l'entreprise en faisant la démarche, ou encore une entreprise qui veut se donner un volet d'expansion, le programme peut convenir également. OK. Alors, est-ce que il est prévu ou il est envisagé d'avoir un programme en version web, parce que vous me dites que ça va servir à la relève? Donc, vous anticipez que, comme pour les autres entreprises, il va avoir besoin d'un changement de gestion. Est-ce que, donc, vous envisagez la possibilité d'une version web du programme? Présentement, il y a certains volets que chaque promoteur a un accès au web. Là, ça fait comme, il y a des outils web qui font partie du programme, mais ça ne s'offre pas exclusivement en ligne, on s'entend, mais ça reste un programme assez souple, c'est-à-dire que on tend de plus en plus dans la région à ne pas attendre d'avoir une cohorte, mais que ça c'est en entrée continue. D'accord. Ce qui fait que ça donne une souplesse, et on sait en région, on a tout le temps des enjeux d'être capable de former le nombre requis là pour partir un groupe. Alors, tranquillement, la tendance qui se dessine, c'est que dans la région, on fonctionne de plus en plus avec des entrées continues. Alors, Et des fois des groupes à distance qui peuvent faire une formation à distance dans différents points de chute. Fait que c'est un mix là présentement. D'accord. En terminant, je peux vous dire sans vous poser la question que j'étais très contente de voir que Henry Mintzberg, le grand universitaire québécois, s'est prononcé cet été pour l'économie plurielle, donc en partie l'économie sociale. Alors vous avez là un appui important. Je vous remercie beaucoup, Madame Bernier, de vous être prêtée à cet exercice-là pour nous présenter une innovation importante de votre région. Merci beaucoup. Puis si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, c'est le www.tresca.ca. Merci beaucoup. Bienvenue. Au revoir. Bonjour. Fort intéressante entrevue, Nicole. Nous allons mettre le lien justement vers le lien que nous a indiqué Madame Bernier. On pourra aussi peut-être mettre le lien de l'article de R.D. Mintzberg. Je sais que le devoir, c'est pas tout le temps, ça dépend, on verra. Si c'est un accès libre, on mettra le lien. Mettre d'autres liens aussi. L'article est aussi sur le site du portail du chantier de l'économie sociale. Ah, ben, on mettra le site à ce moment-là. Nos auditeurs pourront aller lire cet article dans lequel Henry Mintzberg se prononce en faveur des entreprises d'économie sociale. Merci beaucoup. Donc, on se dit dans un mois, Nicole. Alors, à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. De notre côté, on poursuit. On va mettre la fameuse chanson que je voulais vous mettre tantôt. Et c'est la chanson... excusez-moi, la chanson de du groupe... voyons, ça sera pas bien long, là. Enfin, une fois que cette chanson-là aura joué, je vais vous présenter quelques éléments de l'agenda. Le chat de l'aiguille, voilà, c'est avec Carpat. Et une fois que cette chanson aura joué, je vais vous présenter quelques éléments à l'agenda cette semaine dans la région de Québec, mais même au-delà de la région de Québec. On écoute le chat de l'aiguille avec Carpat. Pour mettre un fil dans une aiguille, faut connaître son chat. Pour mettre un fil dans une aiguille, faut savoir reconnaître son chat. Pour savoir reconnaître son chat, faut pas l'appeler Minou. Sinon tous les chats du quartier viendront quand tu les appelleras. Autant chercher une aiguille dans une meute de chats. Pour mettre un fil dans une aiguille, faut connaître son chat. Pour mettre un fil dans une aiguille, faut savoir reconnaître son chat. Pour savoir reconnaître son chat, faut pas l'appeler Minou. Sinon tous les chats du quartier viendront quand tu les appelleras. Autant chercher une aiguille dans une meute de chat. Pour mettre un fil dans une aiguille, faut connaître son chat. Pour mettre un fil dans une aiguille, faut savoir reconnaître son chat. Pour savoir reconnaître son chat, faut pas l'appeler Minou. Sinon tous les chats du quartier viendront quand tu les appelleras. Autant chercher une aiguille dans une meute de chat. Pour mettre un fil dans une aiguille, faut connaître son chat. Pour mettre un fil dans une aiguille, faut savoir reconnaître son chat. Pour savoir reconnaître son chat, faut pas l'appeler Minou. Sinon tous les chats du quartier viendront quand tu les appelleras. Autant chercher une aiguille dans une meute de chat. Pour mettre un fil dans une aiguille. C'était le groupe Carpat, le chat dans une aiguille. On va, comme je vous l'ai indiqué, on va faire une brève, très brève revue de ce qu'il y a d'intéressant dans la région de Québec et même au-delà cette semaine. Et ça, c'est grâce au calendrier immédiat de la démocratie en action. C'est sur www.réseauforum.org/grille-calendrier. Alors, vous pourrez aller sur ce site pour en savoir davantage. Aujourd'hui, jusqu'à 15 heures, c'est porte ouverte au Centre culture et environnement Frédéric Bach. Ça, c'est au 870 avenue de Salaberry. On passe souvent devant le Centre culture et environnement Frédéric Bach. On ne sait pas trop trop ce qu'il y a là. On ne sait pas ce qui se passe. Eh bien, aujourd'hui, vous avez la chance d'aller jaser avec les gens, les divers organismes qui habitent ce centre. C'est pour petits et grands, parce que épluchette de blé d'Inde, visite guidée, ludique, jusque sur le toit, il y a un magnifique jardin sur le toit, chasse au trésor, etc. Donc, dépêchez-vous, c'est jusqu'à 15 heures aujourd'hui. Demain, dimanche, visitons Saint-Roch. C'est la visite du quartier sur le thème Saint-Roch, une histoire populaire. Donc, découvrir les points chauds des luttes ouvrières, les ruines de l'îlot fleuri, les maisons ouvrières, les logements sociaux. Ça, c'est organisé par le comité, par le comité citoyen de l'air. C'est les HLM, les coop et tout ça. À la fin de la visite, les plus courageux et courageux vont pouvoir participer à la visite du mystérieux réseau de tunnels de la colline parlementaire. Ouh là là! Sinon, de 13h30 à 15h, c'est l'histoire de la présence des Noirs au Québec avec Webster, nul autre que Webster. C'est à la chapelle des Jésuites, c'est au 20 rue Dauphine à Québec. C'est depuis les débuts de la colonie que Webster nous parle de l'histoire des Noirs au Québec. 13h30, cyclotour arctique, une masse critique en faveur du climat. C'est à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, ailleurs, un peu partout ailleurs au Canada. Et on est de plus en plus nombreux, nombreuses à vouloir protéger l'Arctique des effets des changements climatiques, de la prospection pétrolière. Parce que c'est une zone très importante pour la régulation du climat mondial. Et afin de souligner l'urgence d'agir pour la défense de l'Arctique face à l'arrivée des pétrolières, il y a plusieurs villes dans le monde, il y a cette cyclo-manifestation qui est organisée, le cyclotour arctique. C'est inspiré du mouvement Masse Critique. C'est une manifestation à vélo qui se déroule à Québec. Donc, c'est à 13h30 au centre de l'environnement. Justement, ça démarre au centre de l'environnement Frédéric Bach, au 870 de Salaberry. Il y a d'autres activités dans la semaine. À qui la rue, mardi le 17 septembre à 19h30. Ça, c'est au bar coop La JT. Il y a défi sans auto mercredi. Toute une journée défi sans auto. Vous pouvez en savoir davantage en faisant le www.defisansauto.com. Et ensuite, il y a la semaine des transports collectifs et actifs toute la semaine. Voilà, ça peut pas faire le tour. On a un agenda fort chargé, mais si vous vous rendez sur le site www.réseauforum.org / grille trait d'union calendrier, vous allez en savoir davantage. Il me reste à remercier Yannick Marcil. Merci à notre chroniqueuse Nicole Moreau et à son invité Madame Bernier qui est coordonnatrice de l'entente sur le développement de l'économie sociale dans la région de Chaudière-Appalaches. Et j'ai tout juste le temps de vous dire que vous pouvez les enregistrements sont disponibles sur le site d'Attaque Québec, www.québec.attaque.org, ou sur notre blog legrainde-sable.qc.org. Vous allez trouver aussi les divers liens Internet dont on vous a parlé aujourd'hui. Nous avons une page Facebook également et un compte Twitter, mais rendez-vous sur legrainde-sable.qc.org, vous allez avoir tout ça. Je vous dis, Michel Lemonnette, je vous dis au revoir et à la prochaine. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Poil et Plumes, une animalerie sympathique et professionnelle pour prendre soin de vos animaux grands ou petits avec de la nourriture de qualité et des accessoires originales et durables. Poil et Plumes, si la santé de vos animaux vous tient à cœur et que vous les aimez comme on les aime. Poil et Plumes, situé au 569 3e avenue à Limoilou et au 597 rue Richelieu. Livraison gratuite les mardis et jeudis soirs. Devenez ami de notre page Facebook et profitez de nos judicieux conseils. Poil et Plumes, 418-977-2391. Regarde la mère comme elle est contente. Regarde comme elle rit avec ses petites dents blanches. Je veux léguer la mère à mon fils. Lui donner l'orgueil de sa lignée. La mère ne change pas. Elle était là bien avant nous. Et bien avant moi. Le Théâtre Sortie de Secours de Québec, le Théâtre de la Vieille 17 d'Ottawa et le Théâtre du Nouvel Ontario de Sudbury vous présentent la pièce Quand la mer, un texte d'Esther Beauchemin, mise en scène par Philippe Soldevilla, au Théâtre Périscope du 17 septembre au 5 octobre. Lorsque l'été est terminé, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers, ça signifie que l'automne est arrivé.